أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Donc le chapitre des menstrues. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que une femme qui s'appelle Fatima bintu Abi Hubaysh, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit inni ustahad. L'istihada, c'est une hémorragie d'une veine. Donc une veine qui a éclaté et qui donc qui fait sortir du sang à l'endroit des menstrues, continuellement, sans s'arrêter. Fala athor, c'est-à-dire donc je ne peux pas être pur. Est-ce que je délaisse la prière, c'est-à-dire pendant toute cette période-là? Le prophète lui a dit là, ne délaisse pas la prière, car cela est une veine et que ce n'est pas. Mais c'est une veine, mais délaisse la prière le nombre de jours pendant lesquels tu avais tes menstrues. Parce que cette femme-là, donc, elle a tout le temps du sang. Tout le temps du sang, du sang qui sort. Donc elle se demande, est-ce qu'elle doit délaisser la prière tout le temps? Le prophète, il lui a dit non. Seulement, le nombre de jours pendant lequel tu avais tes menstrues. Ensuite, donc, fais les grandes ablutions et fais la prière. Et dans une autre version, le prophète lui a dit que ce ne sont pas des menstrues. Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsque donc la durée des menstrues est passée, lave alors donc ce sang et fais la prière. إذن باب الحيض. الحيض في اللغة العربية هو السيلان. السيلان الحيض في اللغة العربية هو السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع هو سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها. Donc le chapitre des menstrues, en arabe, le menstrue c'est al-hayd. Donc c'est donc l'écoulement d'un sang naturel qui arrive à la femme à des moments bien précis lors donc de la lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté. عند بلوغ بلوغها. هو من علامة من علامة البلوغ. علامة من علامة البلوغ. إذا حاضت المرأة لأول مرة فإنها تعتبر امرأة بالغة. فعلامة البلوغ شحال؟ ثلاثة يعني مشتركة بين الذكور والإناث، وهناك علامة يعني انفردت بها الأنثى. العلامة الثلاثة هي الاحتلام. الاحتلام. العلامة الثانية إنبات الشعر الخاشن فوق القبل في العانة. الثالثة بلوغ 15 سنة. فإن لم يوجد احتلام ولم يوجد إنبات الشعر الخاشن ولم يوجد حيض، فإذا يعني بلغت البنت 15 سنة تعتبر امرأة بالغة. وكذلك الولد، إن لم يوجد احتلام ولا ينبت الشعر الخاشن وقد بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ، مفهوم؟ والعلامة الرابعة التي انفردت بها الأنثى هي الحيض. Donc les menstrues sont un signe de puberté. Donc la personne elle passe de l'enfance à l'âge adulte. Min adam al-taklif ila al-taklif. Donc la personne devient responsable religieusement. Elle doit prier, elle doit jeûner, elle doit faire le pèlerinage. Elle doit les mêmes choses qu'un adulte doit faire, les mêmes obligations. Les signes de la puberté sont au nombre de 4. Il y en a 3 pour donc les garçons et les filles, et un pour les filles seulement. Les trois qui sont pour les garçons et les filles, c'est ce qu'on appelle al-ihtilam, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une sortie de sperme. La deuxième, le fait qu'il y ait des poils qui poussent sur le pubis. La troisième, c'est le fait d'atteindre 15 ans. S'il n'y a pas eu de sortie de sperme ni de poils sur le pubis ou ni de menstrues, et que l'enfant atteint 15 ans, il est considéré comme adulte. Et donc le dernier signe, c'est les menstrues pour les jeunes filles. Donc lorsque la personne, donc, il y a un de ces signes qui arrive, la personne est considérée comme adulte, il lui est demandé donc d'accomplir toutes les obligations de l'islam et de délaisser tous les interdits. Voilà la taqid, donné un dit waqt. Les charts de hadith, il y a un waqt. Je vais vous dire. نكتفي بهذا وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.